Gucci, Fendi, Prada, j'suis un billet. Gros billet, mon bébé. Tu voulais cette vie là, on y est. Oh, si je réponds pas, non, faut pas t'inquiéter. J'suis dans la ville pour nous, je fais de la monnaie. Ma ville, dans ma ville, baby. J'ai la plus belle gadi de toute la ville. Elle est belle, baby. Je vais te faire danser toute la nuit. Let's dance. Fouille pas dans mon tel, pas vu, pas pris. No, no. Amri. Let's get money. Okay, okay, let's get.